perdu, ton âme n'est plus revue. Tes yeux sont déglingués et difformes. La vue du monde nous opprime, tout cela fut. Les étoiles virevoltantes sont désinvoltes. Parmi ces gens qui s'amusent.